En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Pour tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 88-276-9383. Monsieur Ghislain Lamotte et tout le personnel de construction Unibec remercient sa clientèle et vous souhaitent une très belle période des fêtes. Construction Unibec, c'est un entrepreneur général qui œuvre dans le domaine de la construction résidentielle, commerciale et industrielle. C'est aussi un moteur économique pour Dolbeau-Mistassini avec plus de 125 employés. Construction Unibec, 1041 rue des Peupliers, Dolbeau-Mistassini, 88-276-4141. 40 www.unibec.ca. Le personnel et la direction de Dolbeau Oxygène souhaitent joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbeau Oxygène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbeau Oxygène, situé au 303 8e avenue Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année, et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année! Le propriétaire du restaurant Subway de Dolbeau-Mistassini, M. Luc Bélanger, et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 88-276-6848. On est de retour à Dan. C'est la revue de l'année dans les UFC, dans les arts martiaux mixtes. On va y aller en deux volets. Premièrement, le premier volet, ça va être on va faire la revue. Et dans un deuxième temps, ce soir, c'est le UFC 219 qui aura lieu. C'est à Las Vegas. C'est toujours une tradition que quand arrive le nouvel an qu'il y a un UFC. On en parle avec notre ami Claude Perron. Salut Claude! Salut Danny, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Claude, les UFC, avant de parler du UFC, on fait la revue de l'année. Et il faut retenir deux choses des arts martiaux mixtes en 2017. C'est, dans un premier temps, le retour de Georges St-Pierre. Qui l'eût cru? Moi, j'ai été le premier sceptique et Georges a réussi un retour extraordinaire contre Michael Bisping. Ça se déroulait au mois de novembre à Las Vegas. Ah oui, c'est. En plus d'avoir causé la surprise, parce qu'on sait qu'il est revenu, c'est le fun, mais ça a été une des plus belles cartes de l'année en plus. Si on se rappelle la carte, là, il y a eu tout que des combats là-dessus. Puis le combat final, ben, c'était justement notre Georges National qui a fait son retour. Hein. Ça faisait longtemps qu'il en a parlé longtemps, on savait pas quand est-ce qu'il allait revenir, on savait pas trop contre qui. Il a décidé de faire ça à 185 livres. Ça n'a pas été facile au niveau du poids, on l'a su après, là, la gestion de son poids, ça n'a pas tout à fait fait. Donc, il a vraiment décidé d'abandonner après ça les 185 livres parce que, bon, il y a eu toutes sortes de problèmes. Maintenant, est-ce que Georges va revenir? Ça, c'est l'autre question. Je pense qu'à quelque part, tu me corriges, je me trompe, c'était le défi pour lui, c'était de revenir. Et là, c'est là qu'il l'a fait, je suis pas sûr que ça va presser autant. Je sais pas. Écoute, je le connais pas personnellement, mais je sais qu'il parlait beaucoup de défis. Ça, il prenait des défis. Là, il en a relevé un. Après ça, bon, il s'était blessé au cou. Il a eu de la misère avec ses intestins, puis tout ça, son poids. Puis là, s'il revient, d'après moi, il va revenir à 170 ou plus petit un petit peu. Mais comme il l'avait dit aussi, moi, il veut faire juste des gros combats. Fait que c'est pas bien compliqué. Ça prend pas tête à Papineau. C'est quoi les gros combats qui restent? McGregor. Le plus gros combat, bon, ce serait McGregor, ça c'est sûr. Ouais. Whittaker, penses-tu que Whittaker va. C'est un combat intéressant pour lui? Ben, moi, je le trouvais pas pire parce que je trouvais que c'était un bon match-up, moi, Whittaker. Okay. Je le trouvais pas si épurant que ça pour George. Ouais. Par contre, c'est à 185 livres. Puis, okay. George, il est pas assez gros. Bon, je pense pas que ça, tu sais, veut dire en tout, puis moi, là, les fans, quand on dit Whittaker, là, il y en a combien qui le connaissent? Non. Trois, à peu près. Ben, moi, je l'ai connu, j'ai acheté l'UFC 213 qui passait récemment, puis c'est là que je l'ai connu. Ouais, c'est ça. La plupart du monde ne le connaissent pas beaucoup, mais c'est un très bon, c'est pas que c'est pas un bon combattant, c'est qu'il est pas beaucoup connu par les fans moyens, disons. Ouais. Puis, on sait que Dana White, puis tout ça, eux autres, ils aiment bien ça, avoir des bons pay-per-view, puis avoir des gros combats. Puis ça, je pense pas que ce soit un gros combat pour George, là. Dana White a semblé un petit peu insulté parce qu'il avait fait mettre une clause obligatoire de défense de titre, puis George a abandonné le titre tout de suite. Fait que là, mon oncle Dana est pas content. Mais en tout cas, on verra ce que ça va donner. Mais de toute façon, Dana White, il peut dire n'importe quoi. On sait dans le passé qu'il a changé d'avis plusieurs fois, puis c'est l'argent qui parle. Mais c'est sûr qu'un gros combat McGregor, ça générerait le plus gros combat que j'avais vu dans l'UFC, ça c'est sûr et certain. Ah, ce serait extraordinaire. Puis d'ailleurs, ce qu'on parle de plus en plus, c'est McGregor de retourner vers le UFC. On ne savait pas s'il allait revenir finalement vers la boxe, mais ça, c'était une grosse joke. Puis ça m'amène au deuxième point. J'en ai parlé avec Bernard Barré jeudi dans le cadre de la chronique La revue de la boxe. C'était McGregor contre Floyd Mayweather. Je pense que l'UFC a gagné. Le sport des arts martiaux mixtes a gagné plus que la boxe là-dedans. Ben, gagné plus, c'est sûr que. Ben, c'est quand fait, même un sport récent. Ça a donné une. Les arts martiaux mixtes. Oui, ça a donné une légitimité un peu. Hein. Ça a donné, comme je t'ai déjà dit, ça a donné un peu de légitimité dans le sens pour les plus puristes de la boxe. On entend toutes sortes de commentaires depuis plusieurs années sur les arts martiaux mixtes. J'en entends de la part de ceux qui font du judo, t'en entends de la part de ceux qui font de la boxe. C'est des gens plus purs un petit peu. Puis bon, ils passent toutes sortes de commentaires, mais là, on a eu quand même la preuve qu'une personne, un champion de MMA, un gars de haut calibre en MMA, ben, il pouvait se défendre en boxe. Par contre, Mayweather, il a donné des chances. Faut le dire, faut être honnête, là, il a donné des chances quand même. Hein? Il avoue ça aussi. Ben, donner des chances, ça, pas c'est embêté à dire. Je veux dire, au premier ou deuxième round, il a passé un méchant gros tapercote. Il a failli arracher la tête. À partir de ce moment-là, je pense que Mayweather l'a pris au sérieux. Mais bon, oui, peut-être qu'il n'a pas été à fond, mais il était plus jeune non plus. Je veux dire, il n'y a personne qui va dire que McGregor ne pourrait pas être champion là, en boxe. Là. C'est ça, je suis convaincu de ça. Ça va être un bon boxeur, là, mais bon, mais pas plus que ça, parce que c'est pas un boxeur. C'est un généraliste, je l'ai déjà dit aussi. Un gars des MMA, il est bon dans 3-4 affaires, mais il ne peut pas être expert comparé à un boxeur qui est expert des points. Là. Mais oui, ça a fait gagner de la crédibilité dans ce sens. C'est que les gens ont vu que bon, il y a quand même des bons techniciens en boxe là, dans le MMA. Puis les deux gars s'en sont mis plein poche, puis tout le monde s'en est mis plein poche, puis les fans étaient 600 millions, qu'on parle de retour de recettes. 600 millions, c'est incroyable, là. Ah, c'est de la grosse argent, comme on dit. C'est de la folie. Aussi, ce qui s'est passé aussi en UFC en 2017, c'est John Jones. Quelle déception, hein? Ouais. C'était John Jones. Je l'avais justement aussi marqué. On va pouvoir dire que c'est quoi, c'est le plus gros talent gâché à venir jusqu'à maintenant du UFC, des arts martiaux mixtes en général, mais aussi pas rien dans la ligue UFC, même parmi les autres ligues, je suis pas sûr qu'il est arrivé un cas comme ça, là, d'un talent extraordinaire, là, John Jones, c'est un naturel. Puis les arts martiaux mixtes, c'est les UFC, Dana White se fiait un petit peu sur lui pour vendre le sport de la boxe, les UFC, parce que on ne saute pas d'histoire. Tu sais, avec la retraite de GSP ou le fait qu'il a pris du temps sabbatique, Edison Silva qui n'est plus le même, donc Jose Aldo qui est son étoile pâlie parce qu'il a perdu contre Max Holloway. Donc on se fiait beaucoup sur John Jones. Et quelle déception! Bah, ça fait plusieurs années là que John Jones, que l'UFC mise sur John Jones beaucoup. Écoute, c'est parce que c'est une catégorie de poids qui est populaire. C'est des assez gros bonhommes. John Jones, comme je t'ai dit. Oui, le talent naturel de ce gars-là est indéniable. Là. Puis tout le monde va le dire maintenant, il y a des problèmes personnels. Il est encore jeune, il va peut-être en revenir. Moi, je ne sais pas si l'UFC vont vouloir mettre beaucoup de temps ou puis d'argent sur John Jones. Là, mais il les a déçus plusieurs fois. Okay. Mais c'est triste. T'as parlé aussi d'Anderson Silva qui s'est fait encore poigner pour dopage aussi cette année. Ça, c'est un autre, comme tu as dit, un autre étoile qui pâlit tranquillement pas vite. Ça y a appelé. Les gens oublient vite, hein. Ouais, parce qu'Anderson Silva, Tu regardes, là, ça, le nombre de défenses consécutives, le nombre de victoires, je pense 16 consécutives, c'est pas encore, ça n'a pas encore été matché. C'est parce que les deuxièmes, c'est, il y a Georges, puis il y a deux, ils sont deux, trois, là. Mm. Le nombre de victoires consécutives, écoute, ça a été tout qu'un champion, faut s'en rappeler, mais bon, cette année, ça n'a pas encore été son année. Il s'est fait prendre pour dopage encore une fois, puis c'est bien triste. Ozzie Aldo, j'en ai parlé, a perdu deux fois contre Max Holloway. C'en est un autre, ça. Mais je pense que est-ce que je me trompe en disant qu'Ozzie Aldo, à la boxe, il y a des styles qui ne marchent pas ensemble. Et je pense que Max Holloway a eu le dessus sur Ozzie Aldo, mais comme combattant, peut-être qu'Aldo est meilleur. Est-ce que je me trompe en disant ça? Je ne suis pas un grand connaisseur, là, comme toi, là, mais. Ah, c'est embêtant. Mais comme tu dis, des fois, faire. Tu sais, le combattant A peut battre le combattant ouais. B, puis. Ça veut pas dire que le combattant C, mais ça veut pas dire que le C va battre le B. Tu sais, ça vient embêtant tout ça. Mais tu sais, on dirait que des fois, c'est comme un peu Anderson Silva. Il y a certains champions qui avaient un aura d'invincibilité. José Aldo, écoute, je pense qu'il était 12 ans sans être invaincu. Puis il gagnait à se faire ça dominant. Puis là, boum, il est arrivé contre McGregor. Bon, là, on dit, OK, bon, McGregor était chanceux, il a pincé au début. Puis là, on dirait qu'il perd comme les auras d'invincibilité. Puis après ça, ben là, il commence à se faire battre là, une fois de temps en temps. Puis José Aldo, ben c'est ça. Je veux dire, la première shot, il avait dit, bon... La deuxième fois, il a encore perdu. Là. Ça n'enlève pas qu'il est top 5, mais c'est sûr que présentement, il est tout au-dessus de la montagne. Est-ce qu'il va être capable de reconquérir? On ne sait pas. Écoute, il a tout le talent du monde. Il a l'air d'être motivé. Il parlait de faire de la boxe un peu aussi, je sais pas. On va voir. Ouais, effectivement. Encore jeune, mais il a perdu son aura d'invincibilité, ça c'est sûr. OK. Je veux te parler aussi des retraites pas de côté. Qui a pris sa retraite en 2017. Pas de côté, écoute, c'est un... Après GSP au Québec, c'est pas mal un excellent ambassadeur. Il va se tourner maintenant vers la promotion, vers agent des arts martiaux mix. Pas de côté, on peut dire que ça a été... il s'est rendu vraiment là où son talent le menait. Hein, parce que c'est un ancien joueur de hockey. Je fais pas longtemps que je sais que c'est un ancien joueur de hockey, pas de côté. Puis finalement, je trouve que il a commencé sur le tard et s'est bien débrouillé dans sa carrière, là. Oui, ben Pat, c'est un militaire, il avait commencé sa carrière en étant un petit peu militaire, puis tout ça. Puis ben écoute, ça c'est une preuve là, d'un gars comment je te dis, il avait quand même du talent, Pat, on n'enlèvera pas ça, c'est un travailleur acharné, ça c'est sûr et certain. Son éthique de travail, puis tout ça, en fait, il s'est rendu loin, on peut pas, écoute, il était quand même parmi les 15 premiers dans l'UFC, dans ses catégories, son entrée dans l'UFC était plus que spectaculaire, après un combat... Il y a aussi Valérie Letourneau qui a fait son premier combat chez Bellator, Claude, on en a parlé, est-ce que c'est une belle avenue pour elle, le Bellator? Ben oui, parce que tu sais, quand on y avait parlé, puis tout ça, elle disait qu'il fallait presque qu'elle se coupe un bras là, pour faire 115 livres. Donc, ça devient compliqué, là, parce que tu fais des grosses coupes de poids, la fatigue, puis tout ça. Puis là, il faut que tu ailles te battre. Là, ça venait trop compliqué pour elle. Puis, 125 livres, là, je crois que c'est parfait. Puis même elle le dit aussi, elle est bien contente de se battre à ce poids-là. Elle a moins besoin de couper de poids. Donc, c'est parfait. Puis elle a fait un beau combat, là. Son dernier combat, c'était bon, il n'y a pas c'était une décision, mais quand même, elle a bien paru, ça a bien été. Fait que je pense qu'elle peut refaire quelques combats, là, puis essayer de monter cette division-là tranquillement, pas vite, là, chez Bellator. OK. Claude, on va aller à la pause et on va parler du UFC 219 qui va avoir lieu ce soir. Donc, vous êtes à l'écoute de la revue de l'année sur les ondes de DanRadioSport.com. L'entreprise Usinage Numérique HB du 210 rue Beauchamp à Dolbeau-Mistassini connaît une croissance phénoménale. Les propriétaires messieurs Hermel Bugeaud, Vincent Girard et Pierre Thériault viennent d'investir une somme de $600,000 qui permettra d'agrandir ses locaux et offrir une nouvelle gamme de produits qui fait fureur dans l'industrie du camionnage. Toute notre équipe souhaite de joyeuses fêtes à la population et vous invite à la grande prudence. Tels sont les vœux de la direction d'Usinage Numérique HB 418-239-08-27. Depuis plus de 40 ans, l'équipe de Hydromec déploie tous les efforts nécessaires afin de bien servir sa clientèle. En cette période de réjouissance, l'équipe de Hydromec ainsi que le personnel souhaitent joyeux Noël et bonne année à toute la population. Hydromec au 29-21 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini section du de Chibougamau, Château-Arrête. Son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Comment? On est de retour avec Claude Perron. On a fait la revue de l'année dans les arts martiaux mix, dans les UFC. Là, maintenant, Claude, je vais te demander, il y a une athlète qu'on n'a pas parlé avant de parler du UFC 219 ce soir, c'est Ronda Rousey. Est-ce que Ronda Rousey, qui a été une grande vendeuse des arts martiaux mix, qui, pendant que GSP, pendant qu'également Edison Silva, pendant que John Jones n'arrachait, le UFC s'est fié beaucoup sur Ronda Rousey. Est-ce que Ronda a passé à d'autres choses? Puis selon, il y a même des rumeurs qui parlent de la lutte dans son cas. Ouais. Ouais, tu sais, c'est ça. Écoute, Ronda, comme tu as dit, c'était le porte-étendard pendant une couple d'années. Là. C'était la plus grosse star là, pendant un moment. Très bonne combattante. Maintenant, bon, une couple de défaites. Faut pas oublier qu'elle se fie là, que cette femme-là là, s'entraîne depuis qu'elle a 12-13 ans. Ouais. Puis qu'elle s'entraîne fort, elle a fait les Olympiques, donc c'est une personne qui a jamais arrêté de s'entraîner, qui a tout le temps compétitionné, qui a tout le temps dealé avec les blessures, peu importe le sport qu'elle faisait, ben, dans son cas c'était le judo. Ensuite, au niveau du MMA, on peut-tu y en vouloir à un moment donné, peut-être vouloir passer à autre chose quand t'as, quand la majeure, plus que trois quarts de sa vie a passé du temps à s'entraîner. Moi, j'ai l'impression qu'elle va peut-être revenir pour un combat. Je sais, moi, je pense qu'elle va revenir parce que... Faut pas laisser... Parce qu'elle, sa mère, ça va mal finir. Oui, c'est ça. Puis je peux pas croire, moi, qu'elle va rester là, dans sa tête de compétitrice. Je peux comprendre. Elle voudra pas rester sur deux défaites comme ça. Je suis sûr que non. Je suis sûr qu'elle va finir par revenir. Peut-être un combo ou deux. C'est sûr que monétairement parlant, elle est millionnaire plusieurs fois, donc il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Je sais qu'elle a une bonne tête. Vas-tu revenir? La lutte professionnelle, c'est un avenue, écoute. C'est un avenue pour s'amuser et faire de l'argent, mais ils travaillent dur, eux autres. Ils font beaucoup de shows dans une année. Je sais pas si ça va faire le parlais avec juste quelques apparitions comme ça. Ouais, je parlais avec un amateur de lutte, Fred Gagné de Radio X Saguenay. Moi, je voulais savoir pourquoi la lutte est si populaire au Québec soudainement. Puis les gars font des millions, eux autres, là. Faut être en forme aussi. UFC 219 ce soir, et justement, on a parlé de Kelly Holmes, qui a envoyé Ronda Rousey vraiment là où dans la difficulté qui va être la porte-parole ou la plus grande combattante de ce soir. C'est la tête d'affiche en réalité. Oui, ben oui, ce soir c'est un gros combat là. Ouais. Contre Christiane Cyborg Justino qui est invaincu aussi en 10 ans. Ouais. A jamais été battu a été battu une fois à MMA. Son premier ou deuxième combat, je crois. Écoute, Cyborg, c'est un animal là. C'est un gars. Écoute, c'est un gars d'un corps de femme, là. Et tu le vois, la musculature toute, là. C'est vraiment un bœuf, là. Okay. Puis elle est très, très agressive. C'est une femme, ça fait longtemps qu'elle combat. Elle est complète. C'est toute qu'une machine. De l'autre côté, on a Holly Holmes, qui est très bonne aussi. Écoute, une multiple championne du monde en boxe. Hein, plusieurs fois, elle a commencé sa carrière en boxe. Elle a plusieurs ceintures. Qui s'est convertie au MMA. Puis qui a bien sûr battu, qui a donné ce qu'on appelle le blueprint, là, la façon pour battre Ronda Rousey avec des beaux déplacements puis tout ça. Une belle boxe, très technique. Mais je pense que ça va être un petit peu gros là, pour Justino. J'ai hâte de voir parce que ce que j'aimerais, c'est que ça reste debout. Ça va nous donner tout qu'un combat parce que là, on a vraiment deux strikers qu'on appelle, deux personnes qui sont spécialistes de la frappe point-pied. Mais c'est sûr qu'au sol, Justino a un gros avantage à mon avis. Mais elle n'a pas tendance à vouloir aller au sol. Elle aime ça se tenir debout puis frapper. Fait que ça va nous donner tout qu'un combat parce que Holly Holmes est plus technique un peu. Je trouve que ses déplacements sont meilleurs. Elle est plus grande, puis elle est forte physiquement aussi. Donc ça, Justino va avoir de la misère à l'intimider dans ce sens-là. Mais ça va être tout qu'un combat. Sérieusement, là, je dis à tout le monde, faut voir ça. Ça va être spectaculaire. Probablement un combat juste debout, puis qui va finir probablement par un KO. Parce que Justino, elle gagne tous ses combats par KO de toute façon. Holly, là, elle va être à 145 livres. C'est un petit peu plus pesant qu'elle est habituée. Mais à lâcher pour ça, je suis pas inquiète. Elle va faire son poids sans problème. Okay. Ça va nous donner plus qu'un combat. OK. Les autres, à cette heure, je vais t'en dire avec tous. Il y a Barboza que je connais, Edison Barboza, mais le reste, je ne les connais pas. Ouais, il y a deux, trois bons combats, dont celui, comme tu dis, de Barboza contre Khabib. Écoute, Khabib, là, je dirais pas son nom parce que je veux pas trop le massacrer, là. Mais c'est un Russe, ça. C'est un gars de Sambo. Moi, je connais, vu que je viens provenir du judo au Sambo. C'est un gars que je suis depuis longtemps. Le Sambo, c'est le même art martial que Fedor Emelianenko, qui est un mélange de judo. C'est un peu du MMA, si on veut, mais basé sur le judo. Puis c'est tout qu'un animal. Il est invaincu, il est 24-0. Puis moi, je crois que c'est le meilleur de cette division-là et de loin. Puis je crois que il ne ferait qu'une bouchée de McGregor. Okay. Ça durerait pas, ça passerait pas le premier round, à mon avis. À la minute que McGregor il tomberait dans les mains, ça serait fini. Okay. Il y a quand même une bonne boxe. Puis là, il va se battre contre, écoute, Edson Barboza, on connaît tous, c'est un spécialiste de la frappe point-pied. Écoute, c'est un animal. Ce gars-là donne des coups de pied dans toutes les angles. Si vous allez voir sur YouTube les highlights d'Edson Barboza, vous allez voir ses spinning kicks, ses back kicks. Et ce gars-là, les coups de pied arrivent dans toutes les angles, de toutes les façons. Puis aussi, c'est le seul à l'UFC qui a deux victoires par KO, mais par les kicks, par coups de pied aux jambes. Okay. Donc, il a réussi à mettre KO des gars qui n'étaient plus capables de se relever après avoir reçu quelques-uns de ses coups de pied. Donc, il y a tout que des coups de pied. Là. Ça va être super intéressant à ce niveau-là. Par contre, il n'y a pas un gros sol. Okay. Fait que j'ai bien l'impression que quand il va tomber dans les mains à Khabib puis que ça aille au sol, ça risque de se terminer là. Si c'est une guerre debout, là, ça va être intéressant. Ça va être à l'avantage de Barboza, ça c'est sûr. Donc ça va être super intéressant aussi de voir le plan de match d'un et l'autre. C'est sûr, Barboza, on va garder ça debout. Khabib, on va voir. Il aime se mélanger aussi. Il est capable de frapper, mais sa spécialité est quand même le sol. C'est lui qui détient le record d'amener au sol dans un combat. Je pense qu'il en a amené 21 fois. 21 projections au sol dans un seul combat. Donc, il aime ça. Fait que ça va être intéressant à ce niveau-là. Pour les autres combats, c'est plus tranquille. L'autre qu'on connaît bien, c'est Carlos Condi. Il y a Carlos Condi qui va se battre contre Neil Magny. On sait que Carlos Condi, on l'a vu se battre contre GSP. Il a droppé GSP, si vous vous rappelez bien, avec un coup de pied à la tempe. Là. Ça avait été un excellent combat. Bon, là, il est un peu en dentis. Hein. Il gagne, il perd, mais quand même. Il a perdu contre Robbie Lawler puis contre Damien Maia, qui est pas rien. Là. Il perd contre des bons adversaires, mais il a l'air encore motivé puis il donne tout le temps d'excellents combats. Donc, ces trois combats-là, à eux seuls, vont nous donner une très, très bonne carte. OK. Donc, on va surveiller ça. C'est des combats de la sous-carte qu'on va voir à TVA Sports. C'est plus tranquille, pas mal. Entre autres, il y a un Français, Mathus Nicolau. J'imagine que c'est un Français, ça? Je le connais pas non plus. Je le connais pas. Comme tu dis, la sous-carte, je les ai pas. Il y a une couple, là. Il y a Maïs Durie que je connais un peu. Bon, il y en a quelques-uns. Il y a Michael Olesinski. Mais bon, c'est plus tranquille, je te dirais, mais franchement. Ben, Claude, il me reste qu'à te souhaiter une bonne année, santé, bonheur, prospérité en 2018. Ça me fait plaisir que tu collabores avec moi. Commence à faire un bon bout aussi. Puis, donc, on va se reparler pour le UFC 220 déjà. Parfait, je te remercie. Toi aussi, une bonne année, puis bonne année à tout le monde qui nous écoute. OK. Claude Perron, notre spécialiste des arts martiaux mixtes.